de notre âge, partagé avec la rage. J'ai créé mon territoire autour de mes histoires. Je refuse tout partage, pas même un droit de passage. Et du matin jusqu'au soir, je chasse les cafards. Chacun garde ses distances, ne venez pas empiéter chez moi. Gardez donc toutes vos chances de vivre suffisamment pour connaître vos enfants. Enlevez-vous, rentrez chez vous. Dans mon ciel, il y a des orages, j'ai aussi ma propre plage. Quelquefois du désespoir, j'ai tout un répertoire. Mais je les garde en otage, c'est pas pour mon entourage. Et quels que soient mes déboires, je ferme mes tiroirs. Évitez donc toute errance, pour ne pas vous retrouver chez moi. Vous n'auriez aucune chance de vous expliquer longtemps. Je n'aime pas perdre mon temps. Enlevez-vous, rentrez chez vous. Je deviens loup, tant pis pour vous. Je pourrais être très sage, je pourrais faire un carnage. Et tout ça serait sans gloire, défendre un territoire. Je refuse toute cage, j'en succomberai de rage. Vous n'auriez dans vos mémoires qu'une bien triste histoire. Laissez-moi toutes mes chances, vous n'avez qu'à pas venir chez moi. Narguez avec arrogance mes idées, mes sentiments. Oubliez-moi simplement, enlevez-vous, rentrez chez vous.